Tutoie qui viendra? Un moineau? Un criquet? Une corneille? Les oiseaux ont rendez-vous, le petit bec en l'air. Et nous donne un beau concert, les ailes se grimpent sur les fleurs. Chanter, danser à 5 heures, là c'est tutoie qui viendra. Un petit merle, une abeille, un pichon. Les oiseaux ont rendez-vous, le petit bec en l'air. Ils nous donnent un beau concert, les ailes se grimpent sur les fleurs. Chanter, danser à 5 heures, le sais-tu toi qui viendra? Un pinceau, un pic-bois, un criquet?